les négros, plus du cul, ils s'essuient jamais le cul, les arabes, plus de la gueule, y'a plein de merde entre leurs dents au nord, les négros, plus du cul, et les arabes, plus de la gueule, ils ne se lavent jamais, et même si on les lave de force, ils puent encore, c'est la race qui pue, la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue. Ah, je sens les culs mouillés sur les matelas attachés. Ah, je sens les dents pourries entre les lèvres lipues. Ah, je sens les pieds au couscous, les ronds au merguez. Ah, je sens sous les bras l'urine. C'est la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue, c'est la race qui pue. À côté, j'y à côté, dans l'obscurité, et j'essuie les doigts sur les murs, et touche la monnaie, et quand je prends la monnaie, je touche leur merde. Ah, alors, je peux plus toucher le fric, je le prends dans un plastique, je peux plus toucher le fric, il est plein de la merde, des bicottes et des négresses. Ah, les bicottes et les négresses laissent leur merde sur le pognon. Alors je peux plus toucher le pognon. Ah, c'est la race qui pue. C'est la race qui pue. C'est la race qui pue. C'est la race qui pue. C'est la race qui pue. C'est la race qui pue. C'est la race qui pue. La police. C'est pas les usines, la pollution, c'est les négros, c'est les bicots, la pollution, c'est pas ma bombe à raser, la pollution, c'est l'épée des négros, c'est l'épée des bicots, c'est l'épée des négros, c'est l'épée des bicots, c'est la race qui pue, la race qui pue, la race qui pue, la race qui pue, la race qui pue.